Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va s'intéresser maintenant à l'acidification des océans. On sait qu'une partie du CO2 que nous émettons est captée par les océans. C'est bien parce que cela limite la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Mais dans l'océan, le CO2 se dissout dans l'eau et entraîne une acidification des océans. Or, dans le passé de la Terre, de tels phénomènes se sont déjà produits. Alors, on va voir avec Mélanie Jean ce que l'on peut apprendre du passé. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Bien oui, savais-tu qu'il y a 252 millions d'années, la vie sur Terre a presque disparu? Ben non, ben je sais qu'il y a eu plusieurs cas, qu'il y a eu plusieurs étranglements. Oui, et ça c'est de ça que je vais vous parler, entre autres, ce soir. C'est une période qui est vraiment très importante, puis vous allez voir le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est en fait... c'est une étude de l'Université d'Édimbourg qui est sortie récemment, qui parlait de l'acidification des océans, et ils croient, eux, que c'est causé par la forte augmentation du dioxyde de carbone suite à beaucoup d'éruptions volcaniques qui se sont produites à cette époque-là, et ça a provoqué la plus grande extinction d'espèces de l'histoire de la Terre. Donc, en absorbant le CO2 de l'atmosphère, la composition chimique des océans s'est modifiée, est devenue plus acide, mais ça a eu des conséquences plutôt catastrophiques sur la faune et la flore. Il y a 252 millions d'années, on est à la limite du Permien et du Trias. C'est marqué par une période de crise majeure, comme je l'ai dit, pour la vie sur Terre. Et là, on parle d'échelles vraiment courtes. Seulement 60 000 ans, c'est vraiment très peu sur l'histoire de la Terre. En 60 000 ans, 96 % des espèces marines et 70 % des espèces sur Terre, ont été carrément rayées de la carte. Oui. Et depuis longtemps, il y avait plusieurs hypothèses qui avaient été avancées pour expliquer cette crise. On pensait que c'était soit par des mégavolcans, la chute d'un astéroïde, ou même des microbes. Et on a aussi pensé que ça aurait pu être causé par un sursaut gamma. Donc des causes cosmiques, là. Exactement, extérieures à la Terre, en fait. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'on a des meilleures raisons, des meilleures hypothèses? Est-ce qu'on a pu s'orienter vers l'une ou l'autre de ces hypothèses? Oui, en fait, l'étude pointe un coupable, si on peut dire. Le responsable serait l'acidification des océans. Mais toutefois, dans ce nouveau scénario, les volcans, en fait, jouent un rôle de complice. C'est en effet les rejets volcaniques qui ont mené à l'acidification des océans. En absorbant le CO2, qui est dans l'atmosphère, comme je l'ai dit tout à l'heure, la composition chimique des océans va devenir plus acide. Et c'est en fait pour ça que c'est ce qui a mené à l'extinction de la faune et de la flore, selon l'étude qui a été publiée dans la revue Science, qui a été conduite par l'Université d'Édimbourg. Et ces résultats vont être utiles pour aider les scientifiques à comprendre la menace que représente l'acidification des océans pour la vie actuelle, la vie marine. Exactement. Donc, comment ces scientifiques d'Édimbourg sont arrivés à ce constat-là? Ils suspectaient depuis longtemps qu'une acidification des océans s'était produite pendant la plus grande extinction massive de tous les temps, il y a 252 millions d'années. Mais on disposait pas jusqu'alors de preuves très concrètes. Les chercheurs ont étudié donc des rochers aux Émirats arabes unis qui se trouvaient à l'époque sous le fond marin, donc qui étaient submergés. Et ces derniers contiennent un enregistrement détaillé des changements et de conditions océaniques à la fin de cette fameuse période, la période du Permien. Et ils ont conservé des traces détaillées des changements qui sont survenus dans les océans. Enfin, c'est comme si les roches avaient enregistré à l'époque ce qui s'était produit. La composition de l'eau à l'époque était commune. On peut la retrouver dans ces roches-là. Et à partir des données obtenues, ils ont élaboré un modèle climatique qui détermine les facteurs qui sont responsables de cette extinction. Alors, plusieurs hypothèses ont été données pour expliquer, comme je l'ai dit, l'extinction. Et d'ailleurs, en passant, ça a dépassé l'ampleur de celle des dinosaures là, il y a 65 millions d'années. Parce qu'on quand on pense à extinction, on pense automatiquement à celle-là. Toujours aux dinosaures, mais il n'y a pas eu celle-là, c'est ça. Oui. Les chercheurs ont déclaré que l'acidification des océans a été depuis longtemps soupçonnée, mais là, on n'avait pas de preuves jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on le sait presque de façon certaine que ça serait ça. La grande extinction s'est étalée sur une période de 60 000 ans, comme je l'ai dit. Et l'océan elle-même, son acidification, ça n'a duré qu'environ 10 000 ans. C'est vraiment pas beaucoup. Mais ça a joué un rôle essentiel dans la disparition des espèces. Ça a donné un coup de grâce, là. Parce que, à cette époque-là, l'écosystème était déjà un petit peu affaibli par la montée des températures. Autant de l'eau que de l'air. Et la perte d'oxygène dans l'océan. Et cette extinction de masse a aussi pavé le chemin pour l'apparition des premiers dinosaures. Ouais, c'est ça. Après chaque extinction, on dirait que ça favorise une branche ou une autre. Exactement, parce qu'ils sont arrivés 20 millions d'années plus tard. Ouais. Et ces résultats sont préoccupants, étant donné qu'on peut déjà voir aujourd'hui une augmentation de l'acidité des océans qui résulte des activités humaines et des émissions de gaz de gaz carbonique. Donc, ce phénomène résulte d'une augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on commence à faire un lien entre ce qui s'est passé il y a 252 millions d'années et aujourd'hui, parce que ça commence à se ressembler beaucoup. Ouais. Et est-ce qu'il y a des risques, justement, que la même situation se reproduise, bien que l'origine du CO2 dans l'atmosphère n'est pas le même? Là, il y a 250 millions d'années, c'était des volcans, puis là, c'est d'origine humaine. Mais finalement, ça aboutit dans les deux cas à une acidification des océans. Et est-ce qu'on le risque qu'une extinction d'espèces animales dans l'océan se reproduise? Mais les quantités de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère, qui ont été liées à l'extinction de masse il y a 252 millions d'années, était probablement plus importante que les réserves fossiles aujourd'hui. D'accord. Mais selon les chercheurs, le rythme de progression rapide des émissions de CO2 était similaire à celui d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même un risque important. Et ça a été un facteur clé dans l'acidification des océans à cette époque-là. Donc, l'acidification, ça menace les espèces qui sont dépendantes du carbonate de calcium. C'est un composant chimique qui diminue au fur et à mesure que les océans s'acidifient. Et là, si je peux vous donner des exemples d'espèces, bon, on a les récifs coralliens qui sont les plus connus, les mollusques marins et même certains planctons. Donc, tous ceux qui ont comme une coquille qui est fabriquée à partir du carbonate de calcium. Et quand l'eau s'acidifie, cette espèce de coquille-là va comme se dissoudre plus facilement. Tandis que ces espèces vont disparaître, des milliers d'autres espèces qui vont dépendre de celles-ci, eux aussi sont susceptibles de s'éteindre. Donc, ça enclenche une réaction en chaîne. Exactement. Mais on sait que la vie, lors des événements d'acidification des océans, n'a pas été anéantie complètement, sinon on serait plus là aujourd'hui. Il y a des nouvelles espèces qui ont évolué, qui ont remplacé celles qui se sont éteintes. Par contre, si les émissions de CO2 continuent au rythme actuel, ben là, on risque de voir disparaître des organismes importants dans notre écosystème qui sont déjà, on le voit là, déjà fragilisés. On entend beaucoup parler des récifs coralliens. Oui. Et presque un tiers des émissions mondiales de carbone finissent dans les océans. Donc, c'est quand même pas négligeable. Tandis que le rythme des émissions de CO2, lui aussi, s'accroît. Ça dépasse même les normales d'un cycle global de carbone. Quand on parle que le niveau de pH des océans se met à chuter, c'est parce que là, l'océan est capable d'absorber une partie, mais il ne peut pas tout absorber le CO2 qu'on rejette. Donc, ça a comme conséquence d'augmenter l'acidité de l'eau. Et au cours du dernier siècle, le taux de pH a chuté de 0,1 unité. Bon, ça semble petit, mais ça représente une baisse incroyablement rapide en seulement un siècle. Ouais, ouais. Ça laisse donc présager des conséquences assez désastreuses. Et est-ce qu'il y aurait moyen de neutraliser cette acidification puis d'empêcher finalement une autre extinction? Il faudrait prendre le problème à sa racine le plus tôt possible en adoptant des mesures, par exemple, pour réduire nos émissions de CO2. Ça revient toujours à ça. Ouais. Pour empêcher que les océans deviennent trop acides. Nos activités modernes occasionnent des dégâts vraiment sans précédent, puis on s'en rend pas compte, mais ça a aussi des impacts sur la vie marine. L'équipe de recherche qui a conduit cette étude-là pense que la conception d'une approche qui prend en compte le changement climatique serait vraiment la voie à suivre. Il s'agit de considérer comment et où les espèces peuvent échapper à une hausse de température et à une augmentation de l'acidité. Donc, comme certaines régions marines seraient plus touchées que d'autres, l'idée, c'est que à ces endroits-là où ça serait plus touché, on limiterait l'exploitation industrielle des ressources marines à cet endroit-là, donc ça, puis le faire ailleurs. Donc, ça permettrait les endroits où ils ont de la difficulté à récupérer pendant qu'on les exploite pas. Faire comme un peu une rotation, si on veut dire. Hein. Ouais, c'est facile, parce que quand on pense que de toute façon, l'acidification est globale, probablement, dans les océans. Ça risque d'être pas mal plus complexe que ça. Ouais. Et puis, c'est important de rappeler que 3 des 5 plus grandes extinctions des 500 derniers millions d'années ont été associés au réchauffement climatique et à l'acidification des océans. On dirait que c'est deux choses qui vont vraiment ensemble, qui sont indissociables. C'est des tendances qui s'appliquent malheureusement aussi aujourd'hui. Et les fossiles révèlent que la vie marine est vraiment résistante quand même. Elle récupère après une série d'épreuves, mais ça peut prendre des millions d'années avant que ça se produise. Alors, mieux vaudrait guérir que prévenir que d'attendre que la Terre se guérisse toute seule, parce que ça prend peut autant. Être très long. C'est ça. Ouais. D'accord. Ben, à ce moment-là, c'est ça. Il va falloir réagir aussi, parce que avant que les pêcheurs ne remontent dans leurs filets plus que du plastique plutôt que du poisson aussi. Donc, beaucoup de choses à prendre en considération. Merci, Mélanie. C'est un plaisir.